Bwana apate kumibariki. Que le Seigneur bénisse. Na tunasalimia kila dada na kila nduku mujina ya Bwana Yesu Kristo. Et nous saluons chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Tutainamisha vichwa nipate kuomba Mungu. Inclinons nos têtes et je vais prier. Mungu wetu, baba yetu na mufalme Yesu Kristo. Notre Dieu, notre Père et Roi, Seigneur Jésus Christ. Tuna kupikia asante Seigneur. Nous te disons merci, Bwana. Kwa kwezi kupermettre tupate kusanyika leo. D'avoir permis que nous puissions nous réunir ce soir. Ikuna ituleta hapa aina desturi. Ce qui nous amène ici, c'est pas la coutumance. Seigneur, tukunakuya ni juu ndani ya mioyo yetu muko upana fulani. Nous venons parce qu'il y a nous il y a une profondeur. Na upane kundani mwetu ni ya kutafuta Mungu wa kweli. Et la profondeur qui est en nous c'est chercher le Dieu véritable. Tukunangaria Biblia mzima bale baote bantu barikuwa na ile upana Seigneur barifika paka mkupata faraja. Si nous regardons dans la Bible tous ceux qui avaient cette profondeur, ils arrivaient toujours au point d'être consolés. Kwa maana ma vendredi tukunafunga kata chakula kwa kutafuta uso yako. C'est pourquoi le vendredi nous jeûnons pour venir chercher ta face. Uku Mungu mwenye anajibuaka. Tu es celui qui répond. Menajibuya kila dada kila nduku. Alors Dieu répond à chaque frère et chaque sœur. Mwenye kona kiu ya biakweri kundani ya dada na nduku ni weye. C'est lui qui voit la soif qui est dans les frères et la sœur, c'est toi. Maneno ya Mungu tunesha kuishikia ya mingi. La parole de Dieu nous avons beaucoup entendu. Na kufatana na maneno tunesha shikia Seigneur. Et conformément avec la parole que nous avons déjà écoutée. Christ bwetu burupashi kuya bwa yulu kabisa. La notre chrétienté devrait être au plus na haut niveau. Na kama tukunona mabuzaifu mbarimbari, dilema mbarimbari na nivo yetu ya imani. Et si nous voyons des faiblesses, des handicaps, un autre niveau spirituel, ça nous attriste. Alors, tusaidi. Tusaidi, tusaidi, aina mubiri, aina pastori. C'est lui qui peut nous aider, ce n'est pas les prédicateurs Wabu ou le pasteur. C'est lui qui peut nous aider, c'est toi, Jésus-Christ. C'est lui qui a appelé les frères et la sœur, c'est toi. Maintenant, Seigneur, tusaidi, Bwana. Réponds à chaque préoccupation, que ce soit charnel ou spirituel. Nous abandonnons tous entre tes mains. Tu ne commences jamais une œuvre et la mi-chemin. Toi, tu as promis si tu commences quelque chose, tu arrives toujours à la fin. Et ce soir encore, Bwana, nous tenons devant ta parole. Comme des hommes, nous pouvons lire. Mais l'interprétation doit venir de toi. Je commande à toi. Et les frères qui nous suivent sur Internet. Et nous qui sommes au milieu ici. Descends et tu puisses nous. Que tu sois la réponse à chaque préoccupation. Que tu puisses pour la mouche à la foi de tout, chaque frère et chaque soeur. Aide-nous que nous puissions arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Beaucoup, c'est ce que tu feras pour nous. Accepte maintenant, Seigneur, de communier avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Genèse 24, versets 57-58. Alors ils répondirent, Sasa Bakajibu, appelons la jeune fille et consultons-la. Tuitebashi binti natupate kumuliza. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, bakamuita bashi Rebecca na bakamwambia, veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kwenda na umuntu? Elle répondit, j'irai. Akajibu ndio mitaenda. Vous pouvez vous asseoir. Mwazukala. Kichwa ya mahubiri yetu ni wakati ya kubeba mpango. Le thème de notre prédication c'est le temps de la décision. Tukuna beba nini kichwa mahubiri. Pourquoi nous avons utona nduku na dada wao mwenyewe kusema vous remarquerez frère et sœur que Biblia muzima dans toute la Bible bale banaume bote na banamuke baritemba na Yesu Kristo le Seigneur Jésus. Kuye mwagano za kale kuye mwagano jipya. Que ça soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau ni Testament. Ni batu bamoya balikuwa na beba mipango ya nguvu kabisa. Ce sont des gens qui s'est décidé. Na kile kitu njo akionekane leo. Et c'est la chose qui ne se laisse pas voir et aujourd'hui. Et pourtant Mungu tunaamini ni Mungu moya moya. Japo les dieux que nous avons cru, c'est le même Dieu. Non seulement que tunaamini Mungu moya moya. Pas seulement c'est le même Dieu que nous avons cru. Mais tuko mu wakati nyewe sie tunafahamu tuko na kufahamu kwa yulu kabisa kwa mingi kushindwa bale batutangulia. Et puis nous nous retrouvons dans l'âge où nous avons beaucoup de connaissances que nos précédents. Kufatana na malaku. Conformément à la promesse. Na kitu kingine. Et autre chose. Ni sie njo kungambwa mataifa tuko ba mwisho. C'est du côté des nations, c'est nous qui sommes les derniers. Kama kuku bantu bale banapata banapasha kuonja kunyakuliwa ni sie. Si il y a les gens qui doivent expérimenter l'enlèvement, c'est nous. Na kama unaona maunabii yote na malako yote inangaria kizazi. Si vous voyez les prophéties et les promesses qui concernent notre âge. Utaona kusema vitu vya mingi biku biene kutabiriwa njuu yetu abina vizuri. Vous verrez que beaucoup de choses qui ont été prophétisées ne sont pas bonnes pour nous. Alors si tunapasha kuya très vigilant. Ya pour nous devons être bakwangarisha sana. Tushikwe bantu bakwachiria bintu. Nous ne devons pas être des lâches. Na kitu kingine et frère. Autre chose, ndugu yangu na dada yangu. Kama unaangalia mu Biblia. Si vous regardez dans la Bible. Bale bantu bote Ebrania sura 11 iko nasemelea. Si vous regardez les gens pour qui Hébreux 12 Hébreux 11 parle. Utaona kusema ni bantu baripataka ni maokasion kiloko sana ya kusikia neno la Mungu. Vous allez voir que ce sont les gens qui ont trouvé peu d'occasions seulement pour écouter la parole de Dieu. Bengine ni occasion tu moya. C'est une telle occasion tout simplement. Mais il va fikisha kubeba mipango ya nguvu kabisa. Ça les a poussés à prendre des décisions. Ba mingi abakona ta mijiza munene kabisa. Les autres n'ont même pas vu de miracle. Aba kusikia mama ubiri ya mingi kabisa. Ils n'ont même pas eu le temps d'écouter beaucoup de prédications. Mais quand on a chié mama ubiri tunashiki. Mais quand vous voyez nous kama unaona mahuduma si tunapata. Soit les dons que nous avons reçus. Iko hatari. C'est dangereux. Iko hatari sana juu. C'est tellement dangereux pour nous. C'est pourquoi on a ce que la Bible dit. Vous voyez, la Bible dit que kwa mwenyewe ule anapokea bia mingi kabisa. À celui qui a reçu beaucoup. Bata mulomba na yeye. On lui demandera également beaucoup. C'est-à-dire si tu repasse quoi na maonjo moi ya kushindwa bale bale tutangulia mwana. On devait avoir beaucoup d'expérience que ceux qui nous ont précédé la foi. Ikuye bale ba mwagano za kale. Que ce soit de l'Ancien Testament. Ikuye ba mwagano jipya. De Nouveau Testament. Si tu napasha kuya. Nous devons na imani na kiro ya kushindwa bale bale tutangulia. Avoir la foi et la spiritualité de plus que ceux qui nous ont précédés. Et pourtant comme on angara kile tu kolea. Si vous regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Ni bariri kushindwa hata mu congélateur. La froideur de plus que même au congélateur. Na tuko nasema hivi juu ya nini? Disons ainsi pourquoi? Parce que Mungu ashikose bashuda. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Anaweza kuya mtu moya mwanaume moya au mwanamke moya. Une seule personne dame ou homme. Na Mungu et Dieu ashikwezi kusisite mahuduma ya byakweli katikati yetu. Il ne pouvait pas susciter de dons véritables au milieu de nous. Kama katikati yetu hapo si au milieu de nous il y avait pas l'épouse. Atikisha kusema peko bibi arusi. L'assurance qu'il y a une épouse ici. Ni mahuduma ile tu inetupewa. Ce sont les dons qui nous a été accordés. Que Dieu bénisse. Vous allez frère. Voir tout le personnage de la Bible, le personnage de la Bible. Kila kizazi. Si vous commencez dans chaque âge, c'est que des gens barikuya très sérieux ils étaient très sérieux dans mon yote à ce qui concerne les choses Kame de Dieu. Na bujima, si tu leur demandais la vie, ils étaient prêts. Kama banapatana na kweli. Si ils se rencontraient avec la vérité. Lorsqu'ils entrent en contact avec les Jéhovah. Frère. Nduku. Baranzi kubeba bintu byote bina maneno ya Mungu kutupa pembeni. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu et mettre ça à côté. Bonne mbariki. Que le Seigneur bénisse. C'est comme dit Mionesse le Chukou Mambo ya Rab. Rappelez que je vous avais dit l'histoire des Rab. Angara histoire à Moussamari. L'histoire de la femme samaritaine. Bale bantu frère. Ces gens-là. Abakuskia mama ubiri ya mingi sachi. Et ils n'ont pas eu le temps d'écouter beaucoup de prédications comme nous. Et quand vous regardez la façon dont ils ont agi, vous allez vous arrêter et dire qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Que le Seigneur bénisse. Mais c'était le même Dieu. Le même Dieu. Nous devons tirer attention. Dans toute la Bible, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les du côté nation, frère, Ndoukou, lorsque il s'est retrouvé en contact avec la vérité et qu'il se retrouve qu'ils ont déjà brisé la parole de Dieu, ces gens-là, ma réaction yabo, Ndakwabo, les réactions, c'est ce qui nous étonne. Je veux donner un exemple. Angaria mwakati ya Esdras. Regarde du temps d'Esdras. Il fikaka wakati moya. Il fit un temps. Naba kohen. Que ce soit le sacrificateur. Naba lao. Que ce soit les Lévis. Naba toto à Israël. Que ce soit les enfants d'Israël. Bariponda kanaka na banamuke ba pagano. Ils se sont corrompus avec le païen. Frère, parlez Esdras en Afrique. Et lorsque Esdras est arrivé, banamupa rapport. On lui a donné les rapports. Ou qui sommes, si vous lisez, vous allez vous dire Kutenda kwa hivi, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Maintenant, Dieu aussi. Kama nona attitude moya moya vile bazamani barikuwa na tenda ndani mwako ndani mwangu. Si voit la même attitude que les anciens posaient dans toi, ma soeur et en moi. Jésus-Christ ne change pas. Et l'attitude moya moya tout qu'on la même attitude que nous voyons dans la Bible. Na wele na ila attitude moya moya. Vous agissez de la même façon. Yesu est comme obligation à quoi que vous tenez pas la vie l'attendre. Et dans l'obligation, ma pas choix d'agir comme l'avait fait autrefois. Frère, Ndoukou. Bantu bana ponda kana bana les gens ils se sont corrompus, se sont mariés. Prenez ça, c'est Esdras. Tout bébé, Nazanien, Esdras, 9. Esdras chapitre 9. Esdras 9. Pardon, Esdras 10. Nsame Kumi. Esdras 10. Esdras Kumi. Verset 1. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il est maombi ni mu chapitre 9. La prière c'est dans Esdras alikuwa analilia Mungu akisema il pleurait à Dieu. Si Yuda tuko mubutumwa leo. Nous les Juifs nous sommes dans la servitude aujourd'hui. C'est par notre incrédulité. C'est parce que nous avons brisé la loi. C'est par notre façon d'agir. Si normalement ba Yuda tukupashi ko mubutumwa. Les Juifs c'est nous normalement on ne devait pas être dans la servitude. Il pleurait à genoux. Un serviteur de Dieu s'est approché verset de lui. Moustaraka. Alors Shekania, fils de Jéliel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras. Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Lakini Israël, Dieu a il ashibake bila matumaini. Parce que qu'une possibilité kumlurira Mungu. Dieu, il y a possibilité de retourner à Dieu. Kuko namna kutubu kutengeneza na tunapasha kulurishana na Mungu. Il y a moyen de nous repentir et de reprendre encore l'alliance avec Dieu. Regardez le verset 3. Mangare musaliata. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Tufanye sasa agano na Mungu wetu juu tufukuze abanamke bote na batoto bote. Est-ce que mon assoma? Vous lisez. Peut-être c'est une femme avec qui vous avez 2, 4 ou 5 enfants. Maintenant, c'est qui a décidé? Ça, écoutez, Mipango. Comme nous avons péché, nous allons prendre une décision. Tout celui qui a épousé une païenne, et que ce soit les enfants et la femme Inje. Frère, Ndoukou, même Dieu au ciel, il va s'étonner. Ce sont de telles attitudes que nous n'avons pas. Vous retrouvez les frères et les sœurs. C'est seulement ce que la parole de Dieu interdit. Elle fait, même si vous lui mettez là, vous lui parlez. Mais elle reste ortoulisane. Mais néanmoins, elle veut rester toujours dans l'église. Néanmoins, elle veut attendre l'enlèvement. Comment est-ce que tu iras dans l'enlèvement? Si Dieu était hypocrite, est-ce qu'il ira encore se répentir devant ces gens ici? Parce qu'avant tout, par quoi c'est? Parce que ces gens ici, par quoi la moyauté? Frère, Ndoukou. Ils ont pris la décision de chasser et les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que nous avons souillé le sang des enfants d'Israël. Alors, en garde à verset. Japo, verset 7. Saba. On peut prendre verset 7. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu. Kisha Esdras sakatoka kunyumba ya Mungu. Et il alla dans la chambre de Jokanan. Na kaenda mchumba ndani ya Jokania. Quand il fut entré, mwakati alingia, il ne mangea point de pain et il ne bu point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Ashukure chakula kwa sababu na maji ashukukunye kwa sababu alikuwa anacha kuchukizwa nje ya batoto ya babu. Unaona mtoto wa Mungu vile nzangu kuna un enfant de Dieu comment les péchés. Mais on écoute ba frère. Vous trouvez les frères, vous trouvez les sœurs. Et qu'on a fait bintu bibaya sana. Fait des histoires pas possibles. Ah mais qu'on a kula bukari na nguku. Lakini elle mange du bukari avec le poulet. Calmement, elle s'habille en veste, elle vient à l'église. Mais comment Dieu nous supporte? Et si Dieu te supporte toi aujourd'hui, est-ce qu'il ira encore se répandre devant Esdras? Parce que Esdras, lui, n'avait pas péché. Mais c'est que la vie faire ses frères. Il n'avait même pas d'appétit. Nous allons rester toujours dans l'esclavagisme. Nous devons arrêter cette histoire. Et il n'avait même pas faim. Si quelqu'un manque de manger et de boire, est-ce qu'il peut s'habiller en veste? Non. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité aient à se réunir à Jérusalem. Bafungwa bote bakoba kusanike ku Yerusalema. Et que d'après la vie des chefs et des anciens, na kufuatana kutaka kwa bakubwa na baze, quiconque ne s'y rendrait pas ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Ule ote mumashiku tatu ashita kuya kumkusaniko batabeba bintu yake bote bizuri na batamtosha mkanisa. Laodicée. Kia Laodikia. C'est très grave. Ni hatari. Frère, Nduku. Na Mungu pale aliona hii attitude. Même Dieu quand il a vu ce genre d'attitude. Mungu kama bantu banabeba mipango. Lorsque les gens se décident de briser tout ce qui n'est pas parole de Dieu dans leur vie. Dieu a toujours eu le temps de revenir sur cet homme ou la femme. Mais vous allez me demander, et ils ont écouté combien de prédications? Et c'est quel genre de péché et ils ont fait? C'est épouser seulement une païenne. Mais maintenant, quelle est notre condition? Vous trouvez un frère, vous trouvez une sœur. Malgré ma avertissement, de la parole de Dieu. anatoka japo alisoa analuria paka mubintu bimoya bimoya il va retourner encore dans le même chose le lendemain encore il vient à l'église il s'est vraiment accoutumé s'habitue avec la parole de Dieu ata maukaramusho ne lui fait absolument rien. Ça se tout a ici à wapi. Comment est-ce que, où est-ce que nous allons en finir? Les chrétiens véritables, ceux qui sont dans cette église, et ils peuvent prendre au moins la décision. Ils doivent se décider. Regardez une autre personne. Voyez, dans les choses de Dieu, frère, soeur. Dieu ne viendra répondre qu'à la profondeur qui est en vous. Si vous avez besoin d'expérimenter Dieu, Dieu va voir cette soif ou faim qui est en vous et viendra répondre. Si vous enviez vivre toute la parole de Dieu, Dieu viendra comme soutien pour vous aider à vivre sa parole. Maintenant, si vous vous contentez à rester seulement comme ça, Dieu aussi, ce genre de personnes, il va te laisser dans cet état. Mais néanmoins, la parole est apportée pour aider chaque frère et chaque soeur de pousser à prendre les décisions. Parce que c'est la vérité que nous écoutons ici. Il n'y a pas d'autre vérité. Dieu avec qui nous nous rencontrons ici. C'est le même Dieu qui a aidé tout le personnel, de personnages dans la Bible. Alors, il ne faut jamais rater l'occasion. Regardez une personne comme Eliezer. Eliezer a vécu pendant longtemps côté d'Abraham. Donc, il voyait les expériences d'Abraham. Il regardait ce qu'Abraham faisait. Je suis sûr qu'il pouvait dire aux serviteurs d'Abraham, le vieux ici, il a Dieu. Atika, dans son cœur, il a envié. Si moi aussi, je peux trouver Dieu comme ça. Et Dieu a vu la soif qui était dans Eliezer. Et Dieu a dit, il y a l'occasion que je peux t'accorder. Et l'occasion, c'était où? Aller choisir les femmes d'Isaac. Eliezer s'est frotté les mains, il a dit, Kunenea. Si la femme n'accepte pas, je dois amener Isaac et dire non. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je m'ai fait marcher, moi Abraham qui m'a accompagné, il va t'aider. Eliezer a dit, c'est une néa. Occasion à mi kuonja mungu yoyo. Jehovah dit, il y a kuonja, il est demandé Dieu, nduku. On t'envoie à Kambo pour chercher une femme. Tu ne connais personne. Par où tu vas commencer? Tu vas arriver. Eliezer a dit, il a prié. Mungu wa Ibrahim. Le Dieu d'Abraham. Mwanamuko lentambia. La femme à qui je vais parler. Je vais demander de l'eau. Na ye moi anapewa mipango kukunisha bibuko. Elle va se décider de nourrir le mwanamke wewe unapenda kupatia Isaac. Que ce soit la femme que toi tu veux donner Isaac. Eliezer voulait expérimenter le Dieu d'Abraham. Aonje Mungu wa Ibrahim. Eliezer n'était pas juif. Eliezer a ashko muyuda. Il n'était pas, c'était un type de nation. Et Dieu a vu la sincérité. Dieu a vu le sérieux de l'Eliezer. Une prière sincère. Dieu est descendu. Et Rebecca est venue. C'est ainsi qu'on a Eliezer Kabisa. Kabisa. Quand on voulait que retenir. Non. Dieu m'a déjà fait réussir, je viens marcher, je dois partir avec la fille. Dans les choses de Dieu, nous, il faut que la soif puisse être ressuscitée en vous. Il faut qu'il y ait une soif réelle en vous. Maintenant, comment est-ce que ça vient? C'est lorsque vous écoutez la parole biblique. Vous voyez comment est-ce que c'est de la Bible où on marchait avec le Dieu que nous croyons. Assurément, je dois expérimenter aussi. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Un chrétien véritable de lorsqu'il écoute, il s'est dit, je dois expérimenter Dieu. Tout ce qui est comme obstacle à moi, ça doit partir. Il faut qu'il toque. Ça doit sortir de moi. Pour que je puisse voir. Communication na Mungu ipatikane. Une communication avec Dieu mapatano. Mungu kama nono ku sérieux. Lorsque Dieu trouve que vous êtes sérieux. Mungu wa Biblia. Le Dieu de la Bible. Anaendaka ku bantu beko sérieux na bantu bana mutamani. Aux gens qui sont sérieux et qui ont besoin de lui. Mais mambo ya leo ni. Maintenant aujourd'hui c'est quoi le problème? Nous avons une génération. Tuko na kizazi. Déjà imbécile. Ya bantu bashipo heshima. Non non. Ils ne prennent pas de décisions. Or, mon Bible, Bible, dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Jacques chapitre 1. Yakobo, sura Yakwanza. Jacques chapitre 1. Yakobo, sura Yakwanza. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, kama moya katikati yenu ana hekima, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si vous manquez Dieu, si vous n'avez pas encore fait d'expérience avec Dieu, demande ça à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Aïe l'ombe kwa Mungu. C'est lui qui donne à tous. Simplement sa réprimande, ça lui sera accordé. Frère, toute écriture est inspirée de Dieu. Andi koyote, ça veut dire quoi? Mungu, tout ce qui est écrit ule, yote, est sorti de la bouche de Dieu. Itoka, et Mungu. Prenez Dieu à ce qu'il a dit. Mungu, kubile, risema, ula c'est na toi kosa, qui a dit, c'est lui qui manque, ki n'importe quelle expérience a fait de quoi, Dieu, kukulomba, qui vient à toi, na et toi tu accordes sans réprimance, je manque d'être chrétien. Tu as promis aux chrétiens de leur donner le pouvoir de vaincre les démons. Jusqu'à ce qu'il viendra accomplir ce qu'il a promis. Parce que Dieu dit, mes paroles ne sont jamais de ma bouche en vain. C'est là que vous voyez que j'étais en train de vous dire l'histoire d'Abraham. Et il savait que Jéhovah, comme on a là, si promis qu'il promet quelque chose, il ne reviendra jamais pour changer, pour badilisha. Quand il a déjà choisi cet enfant, lui-même lui a demandé que je puisse tuer cet enfant. Isaac, pana kushutuka. Isaac t'inquiète. Itika ni kule, Mungu anapaswa kufufula. Dieu doit te rectifier. Parce que qu'il a déjà choisi, il n'y a personne d'autre. Na kama wona kufa. Et si toi tu mourrais, Dieu va arrêter, il va arrêter d'être Dieu. Nous, on continue. Mais qu'il la demande avec foi. La kine ailombe na imani. L'ombe na kuitika kusema. Demande et accepte. Misina kumbela sanamu niku kumbela Mungu. Je ne suis pas devant les idoles, je suis devant un Dieu vrai. Ibi niku nasema pateni padio. Je suis en train de dire, il va me l'accorder. Ibi niku nasema kone nisikia. Dès que je parle, il m'écoute. Ibi niku nasema biku natoka moyo yangu. Dès que je suis en train de prononcer ça, ça vient de mon cœur. Ataka mana kwa ku respecter moyo wangu, ataona kusema Dieu bi niku natafuta. Il vient kuangalishisha mon cœur, il verra que c'est ce que je suis en train de chercher. Mimi napenda nikuye mukristo wa kweli. Je veux être un chrétien réel. Je ne veux pas avoir une vie tombée. Dieu, la parole que nous avons reçue, c'est elle, la vérité. La même parole qui a rencontré Rahab et les a changés. Qui le demande avec foi, ayombe, sans douter. Na imani, bila kushakia, kwani. Celui qui doute, ule kuna shakia, il est semblable au flot de la mer. Ekuna semblable, enafanana sa na mai kuna tingika. Mai vile na tenkaka, frère ma wimbi. Le flot de la mer. Verset 7. Msari ya saba. Qu'un tel homme, muntu avile, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ashiwazia kusema atapokea kitu kimoja kutoka kwa Bwana. Hautapataka kitu mwe utabakia mkanisa. Vous ne recevez rien, mais néanmoins vous allez rester dans l'église. Écoutez, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais nous, pourquoi nous sommes venus? Frère, il y a des attitudes dans les dénominations. Mais ici où nous sommes venus, la parole que nous écoutons, le message que nous avons reçu, c'est un homme Jésus-Christ, c'est l'homme Jésus. Maintenant, si c'est l'homme Jésus, il doit agir de la même façon qu'il avait agi devant la Samaritaine, il doit agir envers le frère et la soeur, comme il avait croisé Bartimée. Bartimée a entendu combien de prédications. Regarde combien d'obstacles il y avait dans sa vie. Il était avec. Jésus n'a pas été saisi. Jésus a été saisi. Mais si vous allez sur la même base, la même détermination, le même Jésus, comme il ne change pas, vous criez à lui pour avoir une vie sainte, une vie correcte, il réagira de la même façon. S'il ne réagit pas, il n'est pas Dieu, mais il est le même hier, aujourd'hui, c'est quel christianisme? Niki Kristu kani? C'est quel christianisme? Niki Kristu kani? Na hii malaria ikizaji. Et la maladie de notre âge. Ni bantu beko ba ce sont les gens qui sont ballotants. Quand on a somme Apocalypse 3, si vous lisez Apocalypse, verset 14 à 22, ça nous concerne nous personnellement. Quelle est la caractéristique de cet âge? Des gens qui sont sans position. Maintenant, comme on a dit à Ville, si vous savez cela, que devons-nous faire? Évitez d'être des gens sans position, sans détermination. Kama tunaisha kuchika mambo ya Mungu, tujiangazie mambo ya Mungu totalement. Tunapaswa kujingisha kabisa kabisa na le show de Dieu. Tuta kina neno la Mungu. Tupa inje. Ujikaze tupa inje. Kipubuzio kundi nilo. Niku nebifanya vena tafuta nipate Mungu. Parce que je vais recevoir Dieu. C'est pourquoi on a ce qu'il y a Paul à rajouter. Vous allez voir que Paul je crois que c'est dans Philippiens 3, verset 7, Philippe, ou tatu, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Ces choses qui étaient bénéfiques pour moi, je les ai regardées comme de la boue. J'ai renoncé à toutes ces choses pour gagner Christ. Si tu as réagi de la même façon, ces choses qui étaient bénéfiques pour toi, peut-être c'est la duplée. C'est l'internet. Tout ce qui peut te lier est constitué une barrière dans la foi. Ce sont des choses qui étaient un gain pour toi. Ni wa mo jono pas kuyo kwa mem tu dois dire ni debu ya mafalo mu maisha munini c'est ça Dieu bi mina pas kutupa c'est que je dois jeter Dieu ku permettre Yesu na mitu kuyo permettre que nous rusu que Jésus Christ que nous puissions être en contact. C'est ce qui nous manque. C'est pourquoi on a le christianisme, on a la maladie. Voir la chrétienté, ça devient comme une maladie. Malgré l'avertissement, malgré la connaissance que nous avons, nous devons être tellement élevés. On ne devait pas voir les choses honteuses. Ça ne devait pas y retrouver. Ça ne pouvait pas y retrouver. Quelqu'un qui ne serait pas aujourd'hui, 6 mois après, il revient sur ses problèmes. Après 3 mois, il revient encore sur ça. Est-ce que l'œuvre divine s'est effectuée dans cet homme? Ah bon? Non. Si vous êtes tout le temps, c'est ma... Mungu naye anafanga bintu abibambake des fois. Vont dire que Jésus-Christ aussi a des erreurs. Ce n'est pas correct. Aina kunyoloka. Mais dans Deutéronome 32. Mais mu Deutéronome kumkum la Torato makumitatu nambiri. Verset 4. Musara kiaini. Toutes ces œuvres sont parfaites. Ma tendo yake makazi yake yote ku ya kukamilifu. Toutes ces œuvres sont parfaites. Ma yake ku kamilifu. C'est nous qui faisons les choses de Dieu semblent être faux. Les dons et là sont là. Plutôt le ministère sont là. Mais nous restons seulement avec la connaissance. Le niveau spirituel, niveau de la vie, aux ongles. Du pied. Ça doit faire pleurer tout un chacun de nous. Nous sommes restés seulement spécialistes de mettre seulement les versets sur Facebook. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Frère. Ndoukou. Angaria mu Bible. Regardez dans la Bible. Si vous considérez comment les gens se comportaient dans la Bible, il y a de quoi que Dieu vienne au secours des gens comme ça. Regardez. Mangari. Les mages. Badjusi. Les mages. Frère, Kajabo. Nduku. Leur travail. C'était d'étudier seulement les étoiles. Ils savaient que l'étoile, lorsque ça va apparaître, c'est Dieu qui est sur la terre. Et Dieu voyait que c'était leur préoccupation. Et l'étoile leur apparut. Vous voyez, ils vivaient où? C'était en Inde. Qui les a donné les transports? À la maison, ils avaient laissé qui? Banafunga safari. Ils ont voyagé. L'étoile que nous voyons, Mungu eko mumwili pa dunia. Sur la terre sous forme de la chair. Tuendeni. Allons. Vous avez dit, à la maison, vous avez laissé quoi? Pour eux, les choses de Dieu étaient vraiment capitales. Safari a plus de 2000 km. Voyager plus de 2000 km. Ou te boulis, c'est bon, avec les marisques. Moutapati à monini. Vous prenez ces risques. Quel est l'avantage? Batemi pas ma nyumba na mi otoka na kaji. La maison, le véhicule, le boulot et le travail? Rien du tout. Akuna ki tota ki moi. Rien du tout. Akwe ki tota ki moi. Ils ont fait ce voyage. Safiri. À leur risque. Parce que moi, wakati, en ce temps-là, les Ismaélites, les musulmans ici, musulmans, c'était des kidnappeurs. Comme des esclaves. Mais regardez. Maintenant, comme le motif était correct et divin. Dieu les a protégés. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ce qui nous étonne, c'est ce qui va vous étonner aussi aujourd'hui. Arrivés à Jérusalem. C'est ceux-là qui attendaient le Messie. Distrait. Où est le roi des Juifs? Les gens, c'est comme s'ils sont étonnés. Occupé mon manyumba. Il a montré un engagé comme manyumba, makaji, ce n'est pas possible. Ces gens ici qui ont la promesse. La promesse nous appartient à nous de cet âge. Frère. Nuku. Pendant que ce n'est pas possible. Regardez, Regardez les sacrificateurs du temple. Le roi leur a posé la question. Où est-ce que le Messie doit naître? Et avec les écritures, ils ont lu. Il doit naître tel pas. Mais déjà ici, ils ont vu le toit, son étoile. Si moindé n'a pas vérifié. Avec le E pour vérifier, ils ont dit à part. Allez, lorsque vous allez le trouver d'abord, revenez nous informer. Encore. Frère, donc, vous allez prier pour moi. Frère, souvenez-vous de moi en prière. Ce sont les mêmes esprits. Frère, tu on doit gêner. Frère, moi, je dois. C'est le même esprit. Est-ce qu'ils étaient rentrés par Jérusalem? Tu vas revenir à Jérusalem? Non. Pas question. Pour les laisser, ils ont vraiment la connaissance et la vie n'est pas là. C'est dans cet état que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons seulement la connaissance. Mais vérifiez ce qui se fait là. Ça nous montre quoi? Ça nous montre quoi? Les événements que nous voyons, ça nous montre quoi? Je suis dans quel état? Non. Les gens insensibles. Mais désorgueilleux. Mais ayant l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété. Ça n'y est plus. Regardez ces images. Quand Frère Branham fait le commentaire. Il dit. Ils ont apporté le meilleur d'eux-mêmes. L'or. C'est-à-dire ils ont prouvé que il est plus précieux que l'or, c'est lui que nous cherchons. Je pense à la Samaritaine. La reine de l'Éthiopie. Marikia ou Éthiopie. Regardez. Il est ma attitude à c'est ce qui n'est pas manifeste au milieu de nous. C'est ce qui ne se voit pas à nous. Vous allez me poser la question, la reine, combien de prédications qu'elle avait écoutées. Ce sont les témoignages des voyageurs, les gens qui venaient de Jérusalem. Elle qui était une reine. Vieille Arkoa Malikia. Une reine. Malikia. N'est pas comme Kambov dire. Anasa Kambov dire ou beaucoup à Kambov. Non. Camille, une reine, non. C'est une reine. Malikia ni Malikia. Mais vous allez demander. Pourquoi a-t-il pris de tels risques? Partir de l'Éthiopie en Israël. Pas en avion. Aina mon avion. Mundeke à pan. Sur des chevaux. Avec quel risque? Na atari nga. Est-ce que Bakidi n'a peur par quoi mule mujangwa mo? Elle a traversé le désert du Sahara. Timbea mujangwa Sahara. Pourquoi? J'ai appris que Dieu a fait un don terrible en Israël. Et ce que j'ai entendu, je voudrais moi-même palper la réalité. Expérimenter ça moi-même. Si telle était notre attitude, Dieu répondrait à la prière de elle a fait un long voyage. Vous allez me poser la question. Toi-même, la reine, quel bénéfice auras-tu? C'est histoire-là, ça les appartient. Non. Pour elle, c'était une question de vie ou de mort. Elle s'est dit, trop c'est trop. Comment ne confie mon Dieu à mes tafous fois? Mais moi que j'aille expérimenter, voir. Écoutez comment Frère Branham parle. Un temps de décision. Il dit ceci. Fais un petit bon commentaire. Page 8, citation 21. Caritasia qui a 8. Ainsi donc, citation 21, oui, Dieu exige une action immédiate, une décision immédiate. Quand vous êtes en face de la vérité, ne réfléchissez pas. Agissez directement. Et allez de l'avant. Investissez votre vie. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ça, ça tout na nini leo. La Bible dit très bien. Biblia asema wazi wazi. Malheur. Olé. À celui qui met la main à la charrue. Kwa ule kuna sukuma kugari. Et qui regarde encore. Na eu nangaria kumkongo. Et ce sont des croyants comme ça. Ni ba minifu wa vile. Que nous avons aujourd'hui. Jo ba tout na boleo. On est sur ce mambo à Mungu avec toi. Tu as écouté la parole de Dieu. Qui sont nous on a un avantage mobile bingi. Mais nous on a faida dans d'autres choses. C'est avantage et tout. Notre avantage ma patrie. C'est tellement dans la parole de Dieu. Dieu exige une action immédiate. Ana lomba kutenda kwa ghafla. Si vous l'aimez, écoutez-moi. Kama mnampenda. Mettez tout le reste de côté. Mweke bintu byote kumpembeni. Si vous aimez Dieu, prenez tout ce qui n'est pas divin, jetez ça. Même si c'était avantageux pour toi. Si vous croyez sa parole, débarrassez-vous de tout le reste qui n'est pas parole de Dieu. Vous devez vous décider. Si ce message est la vérité, et que dans ce message, c'est là qu'il y a toutes les expériences rédemptrices. Recherchez ça sans vous reposer. Garole Malki. Regardez la reine. On peut lire ça. C'est dans 1 Roi chapitre, je crois, 10. 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. C'est terrible. Nyatari. Nous nous retrouvons dans l'âge le plus mauvais. Frère Branham dit ceci. L'âge est glorieux. L'âge de l'Odyssée. Il est glorieux. Pourquoi? Tous les mystères ont été révélés. Tous les mystères, ma sire yote. Oui. Les gens ont de la lumière sur toute chose. Ça c'est de un. De deux. L'âge est glorieux pourquoi? Il va finir par amener les gens dans la gloire. C'est cet âge. Mais il est aussi dangereux. Pourquoi? La puissance de Satan est difficile maintenant à combattre aujourd'hui. Parce que Satan est entré dans l'église. La puissance de Satan est très compliquée maintenant. C'est-à-dire, on est un pagano, mais on est un païen, mais tu ne sais pas. Tu n'es pas encore sauvé, mais tu te prétends être sauvé. Le diable te lit. Il te laisse arriver dans la main. Mais il a la possibilité de tirer encore à la corde pour te retourner là où il est. Regardez. Mangarieni, wafalme wa kwanza, sura kumi. Verset 2. Musara kiapiri. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Akafika mu Jerusalem na bantu ba mingi. Avec beaucoup de gens, avec une suite très nombreuse. Nanyar mpatia makuta njua kufa. Arazu fasha ile dépense njua ni. Pourquoi elle faisait toutes ces dépenses et qui lui a donné l'argent? Narita kupatia moni. Et quel est l'intérêt qu'elle avait recevoir? Sinon makuta reza kumsaidia. C'est l'argent. Kuza manyumba kurimisha mama chama. Ari engagé une puisque il faut que même charge bale bantu. Il a fait kuripia kurisha bale bantu bote tous ces gens là. Mais non on a fait les dépenses. Mais là tu fais ces dépenses. À mon nini. Quel est l'intérêt dans tout ça? Il a ta kwambia seme. Elle te dit là. C'est que je suis dans pesa. Et plus que l'argent. J'aurai Dieu. J'aurai Dieu. Et avec des chameaux. Naba chameaux. Portant des aromates. À chaque beba. Des aromates. Aromates nini musoi. Malunkato, voilà le terme. des aromates. Sarubema manukato. De l'or. Zabu. En, ce qui est en très grande quantité. Bilikuwa bia mingi sana. Pas un kilo. Ashiko na un kilo. Maintenant, vous allez vous demander. Sasa, mte juliza. Tu vas gaspiller pourquoi? Uku na tosha bitu ya mingi viju anini? Iyo risirezu kumisaidia. Izabu, shiripasha sa pukwe kuzede. Uku naipeleka kumambu wa mungu juu ya nini? Kumaske tu donne ça aux choses de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi? Nikusema, en ce temps-là, mwile wakati, l'or, zabu, même maintenant, ataleo, c'est le métaux le plus, jo ilikuwa kiuma, zévalué. Ya guyuru sana. C'est-à-dire, donner de l'or, c'est le meilleur de moi-même que je donne. Comme ils ne savent pas donner leur corps et tout, je donne l'or pour montrer que la divinité, quand on rencontre la divinité, on donne le meilleur de soi-même. On sacrifie tout. Parce que l'or, c'était la monnaie de réserve. Ni makuta ile banapasha kuchunga sana. Kama kukufasha, si yana ndoa aujourd'hui, non, oui, changer tout mon dollar. Il faut changer tout mon dollar. Nous on pense que dollar c'est quelque chose. Gardez l'or. Kuchunga zabu, c'est plus que le dollar. Ilikuwa ni kushindia hata dollar. Mais c'est-à-dire, mais lakini ni kusema, c'était tout ça, ile yote, la chose auquel, la chose à laquelle son cœur était attaché. Kintu kile roho yake kwenye kuambatana nakyo sana. Mais l'accepter de s'accepter. De l'or en très grande quantité. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un. On dit, pasteur, comme vous avez manqué de le carreau dans l'église, moi, je vais vendre ma maison, prenez cet argent. La femme va te mettre dans la maison, dans le fauteuil avec les enfants. Qui peut faire ça aujourd'hui? Mais regardez. Mais angalia. Si tu connais jamais na tu mampango ça. On reste, on s'accroche aux parcelles. Et des pierres précieuses. Na maibu ya bei. Frère. Nduku. Elle s'est rendue auprès de Salomon. Akafika kwa Salomon. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Akamwambia mambo yake yote yalikuwa na moyo wake. C'est-à-dire mambo bintu byote bilikuwa na ngaisha roho yake. Tout ce qui préoccupait son cœur. Anaenda kubitula kumbele ya zawadi ya Mungu. Elle est allée déposer devant le don de Dieu. Et si nous on faisait ça? Na kama si tunaanza kufanya vile. Si on faisait ça? Kama tunaanza kufanya vile, nduku. Muntu anenda kujivula kwa Mungu. Quelqu'un qui est allé se dépouiller au Vous de allez Dieu. Devant Dieu. Unaenda kumbele avec Mungu. Votre cœur. Na roho yako yote. Si Dieu n'agit pas, kama il n'est pas le même. Ana Mungu moya moya. Dieu ne nous tukosa. C'est ce qui nous manque. Tu n'es kwenda mu Biblia yote. On peut parcourir la Bible. Je vais te t'accompagner à tel. L'objectif c'est quoi mon frère, ma sœur? C'est que nous puissions nous arrêter. Et regardez, je n'ai jamais agi de la sorte. Je n'ai jamais agi comme ça. Depuis que j'étais baptisé, je n'ai jamais agi de sorte. Alors je dois me décider. Je ne peux pas rester dans l'état que je me retrouve. Parce que Dieu avec qui ces gens marchaient, c'est le Dieu que je crois aussi. La même parole que j'écoute, c'est la même parole que aussi j'ai écouté. Mais leur façon d'agir et notre façon d'agir, c'est comme le matin et le soir. Mais nous voulons aller au ciel. Nous voulons néanmoins aller au ciel. Je commande, vous allez voir Jésus-Christ dans les autres tamaïdis. Le haut t'appelle dans une fois. Qui renonce à tout. À katale bitubiote. À tout pe bitubiote. Qui vient à moi. La kinsa, ça pour porter quoi? Dieu a couvert la nuit. Seulement la parole. Kubeba pakaneno. Matthieu, on prenait Matthieu 11. Je Matayo, vous montre quelque chose. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu sura 11. Et Regardez le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, bila kuya na Yesu, sans manquer Jésus-Christ, vous n'aurez jamais du repos dans votre cœur. Même si tu es devenu riche, même si vous construisez, peu importe ce que vous faites, mais le repos, vous n'aurez pas. Ma pumzi comme pour l'avoir, c'est ma trouver Jésus. Cela veut dire Yesu. En allant bas, vous sacrifiez bien tout Dieu. Il demande que tu puisses sacrifier tout ou toi. Prenez mon joug sur vous. Mon bébé, musico yangu yulienu. Nira. Nira. Maintenant, le joug de Dieu, c'est quoi? Muitike murifunge paka munira ya Mungu. Accepter de vous lier dans le joug de Dieu. Nira ya Mungu ni nini? Le joug de Dieu, c'est quoi? Suivez la suite, recevez mes instructions. Fateni ce qui suit, donc mupoke ya Mungu. Regardez les bœufs quand ils sont liés. Ngomba shikalake libre kukeuka kula ntaka aikalake uru de tunela ule conduite ya ule kuna mutilize de celui qui est en train de lui conduire bangombe kama tabe ko batatu mu mashamba basha ku baweka chuma akuna batatafuta bende bana balulisha mukatie paka mule mpaka neno de rester dans les limites de la parole na si tu n'as pas ku chikia ile nous devons accepter cela tu chikia ile nous ne voulons pas accepter cela il n'y a pas moyen de marcher avec Dieu il n'y a pas moyen de marcher avec lui. Hakuna namna. Il y a pas moyen. Kuna namna. Il y a pas moyen. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Nampokie mafundisho yangu. C'est comme ça que Dieu marche aussi. Maintenant, unaona frère. Ça, vous voyez mon frère, ma sœur. Si vous regardez dans la Bible le personnage, vous allez vous arrêter. Et dire, c'est comme si je n'ai pas encore cru. Parce que telle décision que eux prenaient, moi je n'ai jamais pris ce genre de décision. Je suis en train de blaguer avec les choses de Dieu. Mais vous allez blaguer jusqu'à ce que tu peux mourir même aujourd'hui. Mais néanmoins tu es à un endroit où la vérité vous est proclamée clairement. Maintenant, tu peux être là où se trouve la vérité, mais tu manques l'enlèvement. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Frère. Nduku. Tu es ma mission de Michezo. Arrêtons le G. Tu es ma mission de Michezo. Arrêtons. Tous les gens lorsqu'ils se sont rencontrés avec Jéhovah, ils se sont rencontrés avec Jéhovah. C'était la chose la plus précieuse dans la vie. Ils ont accepté de sacrifier tout ce qui n'est pas parole de Dieu. C'est là que nous avons failli. C'est là que nous avons failli. Tu n'as même pas envie d'expérimenter. Maintenant, quand est-ce que tu expérimenteras Dieu? Dans la tombe ou lorsque tu seras vieux? Quand est-ce que tu expérimenteras Dieu? Dieu aussi, il s'approche à ceux qui ont besoin de lui. Si tu n'as pas envie de lui, lui aussi ne viendra jamais. Il ne viendra pas. C'est dans les choses de Dieu réelles où nous sommes. C'est dans les choses de Dieu réelles. Tous les gens frère, dans la Bible. Lorsqu'ils ont appris que je me suis rencontré avec le vrai Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Ils ont répondu jamais. Je dois manquer tout dans ce monde. Mais néanmoins que j'entre d'abord en contact avec Dieu. Ni l'écoutenda que ça ne se trouve pas au milieu de nous. Ça n'y est plus. Nous sommes dans l'âge. Il y a des lâchetés parmi les gens qui sont dans des églises. C'est pourquoi on a ce que la Bible qu'on a sème. Comment la Bible dit? La reine de l'Éthiopie. Malikia ko Éthiopie. Se lèvera au jour du jugement. Atalamkaka shiku ya hukumu. Et vous condamnera. Na atemi hukumu. On prenait ça c'est Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. 12. Regardez. Mongari. Verset 1. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec vous ici Ça, nous sommes vraiment étonnés. Vous, on vous a prêché depuis l'église culte de l'église. Vous avez cru il y a 20 mais ans. Mais nous avons écouté la prédication pendant 3 jours seulement. Et nous nous sommes repentis. Nous avons gêné. Mais vous avez beaucoup écouté. Et ça ne vous aime même pas. Ça ne fait rien. Ils ont dit, ah, vous êtes de menteur. C'est faux. Verset 42. La reine du midi. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Une très longue distance. Pour écouter seulement Salomon. Et elle ouvre son cœur à Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire, si il y a un endroit où on peut ouvrir son cœur, c'est ici. Et la Bible dit dans un roi d'Israël que Salomon répondit à toutes ses préoccupations. Salomon alijibu kumangaiko yake yote. C'était quoi? Le type de Christ? Quand tu ouvres ton cœur, Christ répondra à chacune de tes préoccupations. Chaque souci de ton cœur, chaque soif de ta vie, Christ est tenu obligé de répondre. S'il ne répond pas, le type est faux. Or, le type est vrai. Salomon a répondu. Quand la reine a ouvert son cœur, Salomon a répondu. Et si tu ouvres le cœur, celui qui était en Salomon agira de la même façon. Mais c'est ce que nous, on ne fait pas. Mais on veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Boiterez-vous des deux côtés? Si Jésus est Dieu, investissez-vous dans la parole. Si Jésus n'est pas Dieu, vous êtes fait baptiser pourquoi? Se faire baptiser, c'est un engagement que j'investis mon âme, mon corps et toute ma vie. Je ne reculerai pas. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embrouille encore dans les choses de la vie s'il veut plaire au maître qui l'a enrôlé. Et toutes ces choses-là, nous les entendons pour faire quoi? C'est un temps où chacun doit se décider. Est-ce que le si tu n'as ce que nous avons écouté, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour aller dans l'enlèvement. Mais on a besoin de beaucoup d'expérience et de vie de Christ pour aller dans l'enlèvement. Mais c'est ce qui nous manque. Mais alors, qu'allons-nous faire? Parce que je peux dire maintenant comme Esdras l'a dit. Nous ne manquons pas d'espérance. C'est-à-dire, il y a encore possibilité de corriger les choses et de revenir à Dieu. Il y a encore du temps, pas demain, aujourd'hui, comme vous entendez sa voix, libérez vos cœurs et que Dieu entre. Ouvrez vos cœurs et que Dieu arrive. Chaque jour que nous venons, s'accomplit une écriture qui dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira, j'entrerai. Allez-vous ouvrir quand? Saisissez l'occasion. Ne renvoyez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Toi-même, tu dois dire. trop de jets de légèreté dans les choses de Dieu. J'ai de laisser aller comme si ce n'est pas un Dieu vrai. Mais pourquoi nous sommes venus à la parole de Dieu? Pourquoi sommes-nous venus? Ce sont des scandales. Nibikwazo. Scandale pourquoi? Nibikwazo Juanini. Mieux valait ne pas connaître la vérité que la connaître et ne pas la vivre. Ilikuwa mzuri kukosa kujua ukweli, bahari ya kujua ukweli na ushinde kuishi. Kuishi. C'est pourquoi on a mis mis pendant que chambula bantu wa mazebu. Moi je n'aime pas insulter les deux. Mungu anaweza kuwa mule mzebu. Si ku Mungu atamutembelea. Mais le jour qui sera visité par Dieu. Anaweza kuwa mkristo kushinde. Il peut être chrétien plus que toi. Anaweza kuwa mkristo kushinde. Il peut être chrétien plus que toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est le chose de Dieu, c'est à nous que ça concerne. C'est à nous de prendre la décision. C'est à nous d'abandonner tout ce qui n'est pas parole de Dieu. C'est toi seul, tu dois estimer. Le sentiment que je possède, ce n'est pas la parole de Dieu. Le motif que j'ai en moi, ce n'est pas la parole de Dieu. La façon dont j'agis, ce n'est pas la parole de Dieu. Moi, j'ai été enrôlé pour être enfant de Dieu. Je ne peux pas accepter d'être enfant de diable. Paul le dit quelque part. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas être asservi. Prenez ça, on termine par là. 1 Corinthiens. Un Corinthien, c'est pas. Oui, un Corinthien chapitre 10. Un Corinthien quand sur la Kumi. Attendez, je cherche cette écriture. Voilà, n'est pas un esprit. C'est lui qui trouve peut nous informer. Combien? 10, 23. Très bien. Non. Maintenant, regardez, il y a une petite phrase que je cherche là. Ce n'est pas ça. Je ne me laisserai pas être asservi. En Corinthiens chapitre 6 verset 12. En Corinthiens kwanza 6 mstari wa 12. En Corinthiens chapitre 6. Oui, c'est là-bas. C'est presque la même écriture, mais écoutez ce qu'on ajoute. Nazania ni mstari ni andiko mwa. Tout m'est permis. Yote inaniruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini yote haina mafaa. Tout m'est permis. Mimi naweza kufanya bintu byote. Mimi je peux faire tout. Attends, je suis pas là, je suis en pompe. Je peux aller manœuvrer. Je peux faire tout ce que mon cœur veut. Mais écoutez, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit de notre Dieu. Enfin, vous étiez quelque chose. Maintenant, parlons de Chitia. Lorsque vous avez écouté, Je vais aimer. Il y a un frère de cette assemblée. On partageait souvent avec lui. Frère José. Moi, faire l'adultère, je dirais à Dieu de me tuer avant l'acte. Je suis sérieux. Au lieu d'escalader les gens, la mort avant l'adultère. Je m'en aille dans la mort au lieu de me retrouver dans l'acte sexuel. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Frère, aidez-moi un peu, priez pour moi que Dieu m'aide. Il n'y a pas de décision. La vie des gens, c'est la vie des décisions. Il faut qu'on fasse une parcelle. Il faut qu'on être déterminé. Il faut sacrifier vécu, il faut que toi et ta femme, vous devez accepter de sacrifier quelque chose. Vous payez même une veste, il faut sacrifier de la maison. Maintenant ici, on sait pourquoi on doit sacrifier. Ce n'est pas pour un bien de temporaire. C'est pour des biens éternels. Et qui peut être meilleur que l'éternité? C'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque. Quelqu'un a beaucoup écouté l'évangile. Vous allez poser la question. Ces choses ici, nous les écoutons ou pas? Vous allez me dire combien de prédications que Ruth avait écoutées. Ruth, combien de prédications pour prendre sa jeunesse au lieu de rester à Moab et être épousée, elle a décidé d'aller avec une vieille. C'était des grands risques. Tu vas dans un pays. Tu n'es pas originaire de là. Et qui va jeter les yeux sur toi? Et Dieu a vu la détermination. En Ruth, il y avait une soif d'avoir Dieu d'Israël. Et Dieu aussi, quel qu'il a agi là-bas, s'il voit la même soif ici, il est obligé d'agir de la même façon. S'il ne fait pas ça, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le peu de paroles, que ça puisse aider chaque frère et chaque Nous ne sommes pas venus à l'église. Que le Seigneur bénisse. Tout à la Mukashibot. Nous allons tous nous tenir debout. J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens à toi. Je viens au sauveur. Lave-moi dans le sang de ta croix. Nous allons tous prier.